semble prêt à tes côtés, comme un seul cri des esprits désemparés. Cette barrière blanche au-dessus de ta tête, au milieu de tes idées toutes faites, tu veux fuir par tous les moyens, fuir. Qu'importe, il te faut mourir pour vivre. Vol, vol, vol. Oublie ce que tu vois. Fumer trop de brume, te garder les pieds collés. Comment ne pas étouffer dans ces clameurs étranges qui couvrent et changent. J'ai essayé de voir par-delà cette mer blanche, de sentir l'air libre couler sur ma hanche. Tout l'air au-dessus de cette poisse aride, tu dois le voler et vivre. Vol, vol, vol. Oublie ce que tu vois.